Exercice 3. Comment votre sœur s'appelle-t-elle? 1. Pourquoi s'arrête-t-on? 2. Patrick se promène-t-il seul? 3. À quelle heure se lève-t-elle? 4. Où s'installe-t-on? 5. Comment se soigne-t-il? 6. Pourquoi Émilie se couche-t-elle de bonne heure?